Cinquième partie, chapitre 2 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune par Louise Michel. Cinquième partie, depuis, chapitre 2, le retour. Ceux qui avaient passé 5 ans à la presqu'île Ducos pouvaient, s'ils avaient un état qui pût les nourrir, aller à Nouméa, à condition que l'administration ne leur donnât plus ni vivres ni vêtements. On vous remettait un PMI de séjour sur la Grande Terre. Pour autant, votre état civil, vos signalements et au verso, service de la déportation, dont voici la teneur. PMI de séjour sur la Grande Terre. Par une décision du gouverneur, en date du 24 janvier 1879, le déporté fortifié untel, numéro, a été autorisé à s'établir sur la Grande Terre à Nouméa chez le déporté est tenu de se présenter au bureau de la direction le jour du départ du courrier d'Europe à 7 heures du matin pour y faire constater sa présence. Il peut circuler librement dans un rayon de 8 km autour de sa résidence et ne pourra changer cette résidence sans une nouvelle autorisation. Le déporté n'a plus droit aux objets d'habillement et de couchage, ainsi qu'aux vivres de l'administration. En cas de maladie, il sera admis dans les hôpitaux de la déportation sous la condition de payer les frais de son traitement. Le sous-directeur du service de la déportation, Oraer. Cette carte depuis m'a servi plusieurs fois de certificat d'identité. Ayant mes diplômes d'institutrice, j'eus d'abord comme élève les enfants des déportés de Nouméa, avec quelques hôtes de la ville. Puis M. Simon, maire de Nouméa, me confia pour le chant et le dessin les écoles de filles de la ville. J'avais en outre de midi à 2 heures, et dans la soirée, un assez grand nombre de leçons en ville. Le dimanche du matin au soir, ma case était pleine de canaques, apprenant de tout leur cœur à condition que les méthodes fussent mouvementées et très simples. Ils sculptaient assez gracieusement en relief sur de petites planchettes que nous donnait M. Simon des fleurs de leur pays. Les personnages avaient les bras raides, mais en accentuant un peu l'expression du modèle, ils la saisissaient bien. Leur voix, d'abord très grêle, prenait au bout de quelques temps de solfège un peu plus d'ampleur. Jamais je n'eus d'élèves plus dociles et plus affectionnés. Ils venaient de toutes les tribus. Là, je vis le frère de Daoumi, un véritable sauvage celui-là, mais qui venait apprendre l'œuvre interrompue pour l'amour de Daoumi, apprendre pour sa tribu. Le pauvre Daoumi avait aimé la fille d'un blanc. Quand son père l'eut mariée, il mourut de chagrin. C'était pour elle autant que pour les siens qu'il avait commencé cette œuvre de géant. Apprendre ce que c'est un blanc. Il s'essayait à vivre à l'européenne. Les Taïus me racontèrent pourquoi dans la révolte, malgré les 10 sous qu'ils prélèvent éternellement sur les Kanaks et multiplieront tant que les Kanaks vivront en domestique autour de la mission, ils ont respecté les pères maristes. C'est que les pères le montrent à lire. Le montrer à lire est pour eux un bienfait qui efface toutes les exactions. À Nouméa, je trouvais le bon vieux Étienne, l'un des condamnés à mort de Marseille, commué à la déportation. M. Malato père, pour lequel le maire M. Simon avait une grande vénération, et au comptoir colonial, l'un de nos marins de la commune, l'enseigne de vaisseau Cognet, Madame Oloska, qui fut pour nous comme une mère victorine, ayant sous sa direction les baies de Nouméa, et nous en offrant tant que nous voulions. Là-bas, on fraternisait largement. Lorsque je quittai la presqu'île Ducos pour Nouméa, Bureleux portant sur sa tête jusqu'au bateau la boîte contenant mes chats, nous rencontrâmes Jean Telet, qui nous attendait. « Est-ce que vous allez rentrer à Nouméa avec des godillots ?» me dit-il. « Mais certainement. »« Eh bien non, » dit-il en me tendant un papier gris qui contenait une paire de souliers d'Europe. Jean Telet, chaque fois qu'il avait du travail, faisait ainsi des cadeaux aux déportés et achetait, l'une après l'autre, pour le 18 mort, des bouteilles de vin qu'il enterrait en attendant dans la brousse. Le dernier 14 juillet passé là-bas, entre les 2 coups de canon du soir, c'est le canon qui annonce les jours et les nuits, sur la demande de M. Simon, nous allâmes Madame Penneux, directrice du pensionnat de Nouméa, un artilleur et moi, chanter la Marseillaise sur la place des Cocotiers. En Calédonie, il n'y a ni crépuscule ni aurore. L'obscurité tombe tout à coup. Nous sentions autour de nous remuer la foule sans la voir. Après chaque couplet, le cœur de voix grêle des enfants nous répondent. Repris à son tour par les cuivres. Nous entendions les canards pleurer dans le bruissement léger des branches de cocotier. M. Simon nous envoya chercher et en 2 soldats, on nous conduisit à la mairie. Mais là, les canards aussi m'envoyaient chercher pour voir le pilon. Et en m'excusant près des blancs, je m'en allais avec les noirs. chargée de pétards et autres choses du même genre, de la part de M. Simon. Chaque tribu qui y avait consenti avait son feu dans un immense champ qui les réunissait tous. La tribu d'Ataï, décimée, avait aussi son feu. Mais lorsqu'commençant la danse, les survivants, 5 ou 6, montèrent sur le foyer, l'éteignirent avec leurs pieds en signe de deuil. Le pilon est étrange, surtout quand tous sur une seule file passent à travers le feu. Mais cette circonstance fut vraiment grande. Les autres consentirent à donner à la tribu en deuil ce que nous avions pour eux tous. Peu après, on avertit pour les derniers batteux, l'amnistie était faite. J'appris en même temps que ma mère avait eu une attaque de paralysie. Avec mes leçons et les 100 francs pour moi que j'avais pour les écoles, il m'avait été possible de recueillir 100 francs. Cela me servit à prendre le courrier jusqu'à Sydney, afin d'arriver plus vite et de la voir encore. Avant mon départ de Nouméa, et prenant le courrier sur le rivage, je trouvai la fourmilière noire des Kanaks. Comme je ne croyais pas à l'amnistie si proche, je devais aller fonder une école dans les tribus. Il me le rappelait avec amertume en disant « Toi viendras plus ». Alors, sans avoir l'intention de les tromper, je leur dis « Si, je reviendrai ». Tant que je pus la voir du courrier, je regardais la fourmilière noire sur le rivage, et moi aussi je pleurais. Qui sait si je ne les reverrai pas? Voilà comment je vis Sydney avec son port si magnifique de grandeur, que je ne crois pas avoir encore rien vu de si splendide, des rochers de granit rose pareils à des tours géantes, laissant entre eux une porte comme pour les titans, comme à Nouméa, comme à Rome, cette colline bleue pâle sous le ciel. On ne peut se lasser de regarder, tant c'est un magique décor. Là, mes papiers n'étaient pas suffisants. Je pouvais, disait-on, les avoir trouvés. Cela ne pouvait ne pas être moi. Et il fallut que Duzer, établi à Sydney, certifia que c'était réellement moi. Sous prétexte qu'il y avait eu déjà des ennuis à l'évasion de Rochefort, il consentit à cette nouvelle aventure dont il n'eut aucun désagrément, Sydney étant colonie anglaise. Sous prétexte aussi que j'étais venu de mon plein gré, le consul, une sorte de pot à tabac, sorti d'un tableau flamand, ne voulait me rapatrier avec les 19 autres déportés, qui étant venus travailler à Sydney, pouvaient eux partir de là. Mais avec le sang-froid que j'ai dans ces occasions-là, je lui dis que j'étais satisfaite de connaître de suite sa décision, parce que je pouvais gagner mon passage en faisant quelques conférences. Sur quel sujet, demanda-t-il? Sur l'administration française à Nouméa. Cela inspirera peut-être quelques curiosités. Et que direz-vous? Je raconterai ce que Rochefort n'a pas pu dire parce qu'il ne l'a pas vu. Toutes les infamies commises par Aleyron et Ribourg, aussi les causes de la révolte Kanak, la traite des Noirs qui se fait au moyen d'engagement. Je ne sais ce que je lui dis encore. Alors le vieux Poataba me regarda d'un œil qu'il voulait faire terrible, et écrasant sa plume sur le papier qu'il me donna, il dit « Vous partirez avec les autres ». J'ai toujours cru qu'au fond, il n'était pas hostile. Voilà comment nous fîmes le voyage de Sydney en Europe avant d'embarquer sur le jeune Elder en portance pour Londres. Le bateau passa à Melbourne d'aspect moins beau que Sydney, mais une grande et large ville répandue en damier dans la plaine. Ainsi, nous avons fait le tour du monde pour le canal de Suez. En face de la Mecque mourut un pauvre arabe amnistié presque mourant et qui avait promis d'offrir ce pèlerinage à Allah s'il revenait. Allah se montre peu généreux à son égard, tandis qu'à nous, les ennemis des dieux, étant donné jusqu'à la fin la vue de la mer rouge du Nil où frissonnent les papyrus, tandis que sur les rives, les chameaux des caravanes couchés allongent leurs cous sur le sable. Quelle vue étrange, les rochers aux formes de sphinx, et à perte de vue la grande étendue des sables. Il nous restait la surprise d'errer 8 jours dans la Manche à la fin du voyage. Pour un brouillard intense où l'on ne voyait que les forts du John Helder pareils à des étoiles errant au son de la cloche d'alarme, avec le gémissement continuel de la sirène, on eût dit un rêve. L'opinion générale était que nous étions perdus, et quand enfin nous arrivâmes à l'embouchure de la Tamise, les amis venus à notre rencontre sur des bocs pleuraient de joie. On nous reçut à bras ouverts. Nous trouvions là Richard, Armand Moreau, Combeau, Varley, Prenet, le vieux père maréchal, un autre bien plus vieux encore, qui étant boulanger avait dans les premiers temps de l'exil offert l'abri de son four et du pain au premier échappé de l'abattoir, le père Charenton. Au dîner chez Madame Houdineux, je vois encore comme aujourd'hui d'Acosta, nous attendant en haut de l'escalier, des lampes plein les yeux. Beaucoup étaient partis déjà, mais nous pouvions dire à ceux qui restaient combien nous avions été heureux là-bas, au temps d'Aleyron de recevoir à travers tout le hordi manifeste des communeux de Londres. On lui chanta, comme il y avait 10 ans, la chanson du bonhomme. « Bonhomme, bonhomme, il est temps que tu te réveilles. » Que de souvenirs, que de choses à se raconter. Comme on pensait à ceux qui dorment sous la terre, On nous conduisit au club de Rose Street. Les camarades anglais, allemands, russes nous souhaitèrent la bienvenue et nous accompagnèrent jusqu'à la gare de New Haven. Les amis de Londres, payant notre voyage que le consul n'avait pris aux frais de son gouvernement que jusqu'à Londres où s'arrêtait le John Helder. À Dieppe, nous trouvâmes Marie Ferré avec Madame Beers, vieille amie de Blanqui, puis à Paris la foule, la grande foule houleuse qui se souvient. Je revis ma mère, mon vieil oncle, ma vieille tante. Ceux qui ne connaissent pas les révolutionnaires s'imaginent qu'ils n'aiment pas les leurs, parce qu'ils les sacrifient toujours à l'idée. Ils aiment bien plus au contraire de toute la grandeur du sacrifice. Une vie révolutionnaire renaissait. L'idée aussi grandissait de toutes les douleurs souffertes. Nous qui avions été à la presqu'île si anarchistes, nous trouvions des groupes ayant fait le même chemin. Il n'y avait nul besoin que M. Andrieux imagina pour nous perdre de faire un journal anarchiste, ce qui est tout de même un drôle de moyen pour un homme intelligent. Nous aurions sans cela mis nos idées à jour. Aujourd'hui que 26 ans ont passé sur l'hécatombe à travers la misère et l'écrasement de plus en plus terrible des travailleurs sous la force, nous voyons de plus en plus proche le monde nouveau. Comme la vigie habituée à distinguer au loin dans les nuées le grain qui sera la tempête, nous reconnaissons ce que déjà nous avons vu. Il est impossible de dire dans les quelques feuilles qui restent à ce livre les événements accomplis depuis le retour. Un volume ne serait pas trop. Il suivra si les événements permettent de s'attarder à regarder en arrière ce passé qui aujourd'hui vieillit si vite. Minute pour minute, le vieux monde s'enlise davantage. L'éclosion de l'ère nouvelle est imminente et fatale. Rien ne peut l'empêcher, rien que la mort. Seul un cataclysme universel empêcherait l'éocène qui se prépare. Les groupes humains en sont arrivés à l'humanité consciente et libre. C'est l'aboutissement. Les juges vendus peuvent recommencer les procès de malfaiteurs pour les plus honnêtes, faire asseoir des innocents au prétoire, en laissant les vrais coupables comblés de ce qu'on appelle les honneurs. Les dirigeants peuvent appeler à leur aide tous les inconscients esclaves. Rien, rien y fera. Il faut que le jour se lève, il se lèvera. C'est parce que c'est la fin que les choses deviennent pires. Elles ont tellement empiré depuis la loi du 29 juillet 1881, dite loi scélérate, qu'on ne nous a pas alors l'appliquée et qu'elle l'est aujourd'hui. Dans le courrier de Londres et de l'Europe du 13 janvier 1894, je trouve le rapport sur les dites lois scélérates que je crois intéressant de reproduire ici, peu de personnes en ayant pris connaissance complète, pour la raison qu'on ne les croyait pas applicables. Les nouvelles lois circulaires du garde des Sceaux, M. Antonin Dubost, garde des Sceaux, ministre de la Justice, adresse la circulaire suivante aux procureurs généraux. Monsieur le procureur général, les lois qui viennent d'être votées par les deux chambres ne modifient pas la politique générale du gouvernement, qui reste conforme à la tradition républicaine et aux tendances libérales et progressives de la nation. Elles sont destinées à rendre plus efficaces les moyens qu'il est devenu indispensable d'employer pour défendre la sécurité publique, menacée par de prétendues doctrines, dont l'anarchisme poursuit la réalisation à l'aide des attentats les plus odieux. Elles ont donc pour but unique le maintien de l'ordre qui est la condition du progrès. Il me paraît utile d'appeler votre attention sur les principales dispositions et sur l'application que vous devez en faire avec vigilance et fermeté. L'apologie des crimes. La loi du 29 juillet 1881 laissait impunie la provocation au vol et aux crimes énoncés dans l'article 435 du Code pénal. La provocation directe aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie était punissable, mais l'apologie de ces crimes échappait à toute répression. Désormais, ceux qui feront l'apologie du vol, du meurtre, du pillage, de l'incendie et des autres crimes énoncés dans l'article 435 du Code pénal, aussi bien que ceux qui les auront provoqués directement, seront frappés de peine que la loi nouvelle à élever, de manière à assurer une répression en rapport avec la gravité des infractions commises. Le législateur a assimilé l'apologie à la provocation, parce qu'en effet l'apologie d'actes criminels constitue, sous une forme détournée, une excitation à les commettre, aussi dangereuse que la provocation directe. L'article 49 de la loi 1881. L'innovation la plus importante de la loi du 13 décembre 1893 consiste dans la modification à l'article 49. Les individus qui se rendront coupables des infractions énumérées ci-dessus, aussi bien que ceux qui auront provoqué des militaires à la désobéissance, seront placés sous le régime du droit commun au point de vue de la saisie des écrits et de l'arrestation préventive. Aucune raison sérieuse ne peut être invoquée pour soustraire à l'application des règles du code d'instruction criminelle les délinquants vis-à-vis desquels la justice doit pouvoir agir avec promptitude et efficacité. Dans un intérêt d'ordre public qui n'est plus à démontrer, il importe que ces dispositions nouvelles soient appliquées toutes les fois que des infractions seront commises et que dans ce but de concert avec l'autorité administrative, vous exerciez la plus active surveillance, notamment sur certaines réunions publiques qui sont devenues des foyers d'agitation et de désordre, où se produisent les excitations les plus coupables à commettre des crimes, et où la propagande pour le fait est ouvertement conseillée. Vous ne mettrez pas non plus de faire constater et de poursuivre les provocations à des militaires dans le but de les détourner de leur devoir et de l'obéissance. Dans des cas semblables, réprimer, c'est défendre la patrie. Les associations de malfaiteurs. Si la loi du 29 juillet 1881 était impuissante à réprimer les excitations à commettre des crimes, lorsque ces excitations se dissimulaient sous la forme d'une apologie, notre législation pénale ne fournissait d'autre part aucun moyen légal pour entraver la préparation de ces crimes. C'est ainsi que, bénéficiant d'une trop longue impunité, des groupes anarchistes ont pu se constituer, qui, reliés entre eux pour une idée commune, se livrent à la préparation d'une série interminable d'attentats. L'entente s'établit ensuite entre un nombre considérable d'adhérents, et l'exécution des crimes conçus est laissée parfois à la libre initiative d'individus qui procèdent isolément, pour se dérober plus facilement aux recherches de la justice. Pour atteindre tous les coupables, il était indispensable de modifier les articles 265 et suivants du Code pénal sur les associations de malfaiteurs. Les dispositions nouvelles punissent à la fois l'association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, et même toute entente établie dans le but de commettre ou de préparer des attentats contre les personnes ou les propriétés. En introduisant dans le nouvel article 265 les mots « entente établie », le législateur a voulu laisser aux magistrats le soin d'apprécier, suivant les circonstances, les conditions dans lesquelles un accord pourrait être considéré comme intervenu en deux ou plusieurs individus pour commettre ou préparer les attentats. Le crime pourra ainsi être caractérisé, abstraction faite de tout commencement d'exécution, la relégation. Outre les peines édictées, l'article 266 permettra désormais d'appliquer aux condamnés la peine de la relégation. Il ne vous échappera pas, monsieur le procureur général, que dans bien des cas, cette peine constituera un efficace moyen de défense sociale. Il importe en effet d'écarter de notre société des hommes dont la présence en France, à l'expiration de leur peine, pourrait constituer un danger pour la sécurité publique. Détention d'explosifs. Enfin, pour compléter les mesures prises contre les partisans de la propagande par le fait, il était indispensable de modifier l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 relatif à la détention des engins meurtriers ou incendiaires. Tout individu qui détient sans motif légitime des engins de cette nature est déjà justement soupçonné. Mais la loi de 1871 n'avait pu prévoir tous les nouveaux moyens de destruction. Le nouvel article 3 permettra d'atteindre non seulement la détention sans motif légitime et sans autorisation de tout engin ou de toute poudre fulminante, mais encore la détention sans motif légitime de toute substance quelconque manifestement destinée à entrer dans la composition d'un explosif. Recommandation. Telles sont, monsieur le procureur général, les dispositions nouvelles que les chambres ont introduites dans notre législation pénale pour vous mettre en état de concourir d'une manière efficace à la défense des institutions et de l'ordre. Vous les appliquerez avec résolution. Aucune infraction ne devra demeurer impunie. L'autorité administrative mettra au service de la justice tous les moyens dont elle dispose. Vous vous concerterez avec elle en toutes circonstances, en vous pénétrant de cette idée qu'il n'y a de gouvernement véritable et que le gouvernement ne peut exercer une action féconde que si tous les services publics sont unis entre eux par une étroite solidarité. Je ne doute pas que l'accord ne soit facile entre des magistrats et des fonctionnaires, les uns et les autres dévoués à leurs devoirs et conscients de leurs responsabilités. Dans le cas d'urgence, ou quand les infractions seront évidentes, vous n'hésiterez pas à prendre l'initiative des poursuites, sauf à m'en référer chaque fois que l'affaire vous paraîtra l'exiger. Dans la plupart des cas, une propre répression est seule véritablement utile. Vous veillerez en conséquence à ce que les poursuites soient toujours conduites avec la plus grande célérité, et vous provoquerez des sessions extraordinaires d'assises toutes les fois que cela vous paraîtra nécessaire. Le gouvernement espère que l'application énergique et persistante des lois nouvelles suffira pour mettre un terme à une propagande criminelle. Le pays attend de nous une protection efficace. Notre devoir est de la lui donner par tous les moyens que les lois mettent à notre disposition. Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très distinguée. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Antonin Dubost. Ce qu'on n'osait pas en 1974, on l'ose aujourd'hui. Et comme au plus beau jour de Versailles, un article de journal peut être la déportation ou la mort. La condamnation détient vent. en fut une preuve cette semaine. Et si l'honneur des nations voisines ne leur défendait l'extradition pour semblable sujet, il irait remplacer Sivok ou Bain ou Mourou Mariotto. Mais la science que rien n'arrête va si vite que bientôt tous les mensonges disparaîtront devant elle. La race prochaine dont les adolescents en seront davantage que les plus savants d'entre nous aura-t-elle l'horreur des mensonges et le respect de la vie humaine? Elle n'ira pas semer de ses hauts les Madagascar ni y fusiller les indigènes à son plaisir sans avoir l'excuse comme Galifée ou Vacher de la rage du sang. On ne l'emploiera pas cette jeunesse-là à garder paisible le boucher Abdul Hamid pendant sa hideuse besogne. On ne l'enverra pas comme les soldats d'Espagne assassiner à Cuba ceux qui se révoltent pour la liberté ou faire le service des tortureurs de Montjuïc. Nous sommes aujourd'hui plus asservis que le jour où l'Assemblée de Versailles trouva trop libéral le nom foutriqué. Mais l'idée se fait plus libre et plus haute toujours. Qu'on se souvienne du cri de la jeunesse des écoles l'année dernière, où les cœurs, pour la sainte indépendance, camarades, levons-nous. Attendons la terrible envergure que l'explosion de 1900 va donner aux connaissances humaines. Aujourd'hui, 2 janvier 1898, où je termine ce livre, la photographie ouvre la route. Les rayons X qui permettent de voir à travers les chairs ce qui fut la vivisection au moment où disparaît la férocité chez les peuples. Pensons que la volonté, l'intelligence humaine ne sera pas libre. Voilà plus de 6 ans de cela. Il me souvient d'un soir, salle des Capucines, où laissant aller ma pensée, je regardais en avant. Je hasardais cette idée que la pensée étant de l'électricité, il serait possible de la photographier. Et comme elle n'a pas de langue, elle serait tracée en signes pareils à des sillons d'éclairs. Les mêmes pour tous les dialectes, une sorte de sténographie. Déjà, on peut voir à travers l'écho opaque, rien n'empêche d'aller jusqu'au bout. Les mondes aussi, grâce à la science, livreront leurs secrets et ce sera la fin des dieux. L'éternité avant et après nous, dans l'infini des sphères poursuivant comme les êtres leur transformation éternelle. Courage, voici le germinal séculaire. Que cela paraisse ou non possible à ceux qui ne veulent pas voir voguer dans le tourmente les premiers rameaux verts arrachés à la rive nouvelle, la désagrégation de la vieille société se hâte. Avant que sur le livre de pierre ou sur la tombe de Potier, on ait gravé ces vers terribles. Je suis la vieille anthropophage, travestie en société. Vois mes mains rouges de cornage, mon œil de luxe injecté. J'ai plus d'un coin dans mon repère, plein de charognes et d'ossements. Viens les voir, j'ai mangé ton père, et je mangerai tes enfants. Potier. Oui, avant même que la malédiction soit gravée. La vieille société aux graisses peut-être sera morte. L'heure étant venue de l'humanité juste et libre, elle a trop grandi pour rentrer dans son sanglant berceau. Paris, 20 mai 1898. Fin de Le Retour. Fin de La Commune de Louise Michel.